pas ce soir. S'il te plaît, ne me frappe pas. J'ai des bleus de partout. Tiens, voilà mon bras. Maman, s'il te plaît, à ce moment, écoute-moi. Me virer de la maison, ma vie de l'estomac. Donc j'en pleure et j'ai peur. S'il vous plaît, réchauffez-moi. Mon cœur est en sueur et ne peut ressentir le froid. Arrête, arrête, arrête, arrête. J'ai du mal à m'en remettre. Arrête, arrête, arrête. J'ai du mal à m'en remettre. Toi, t'es pas un homme, t'as jamais connu l'amour. Ce soir, tu m'as laissé comme une traînée devant la tour. Encore une fois, t'as fait le sourd, fier, et tu en joues. Je te voulais juste à côté, ce qui m'intéresse n'est pas les sous. Tu m'as blessé, triste, toute ta haine suit ma mort. Tu ne vois rien de l'intérieur, car tu passes ta vie dehors. Arrête, arrête, arrête. J'ai du mal à m'en remettre. Arrête, arrête, arrête. J'ai du mal à m'en remettre. Je suis faible, fort, juste un petit peu malade. Je suis un homme, oui, qui n'a rien de formidable. Je suis un ange, triste, qui a trop peur des gens. La vie est une sale actrice qui a son rôle de la méchante. Je rêve, je rêve, je rêve, je rêve. Et je ne veux pas me réveiller.